¿qué medios hay en Haití? Si hay un cerco para no divulgar porque hay intromisión externa de otros medios, léase Estados Unidos, Francia o no sé, otros lados, para que no salgan las noticias del país. Il y a quoi comme média à Haïti? Est-ce qu'il y a une espèce de bouclier pour que l'information ne sorte pas d'Haïti? On laisse la presse internationale. La presse internationale. Et la presse internationale a été contrôlée ou bien a été contrôlée par les grandes puissances. Estuvo controlada por las grandes potencias. On dit ce qu'on veut. Decimos lo que queremos. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes en tournée internationale. Por eso estamos acá en gira internacional. Pour rencontrer les universitaires. Para encontrarnos con los universitarios. Pour parler avec les journalistes. Para hablar con los periodistas. Pour parler avec les autorités locales. Para hablar con las autoridades. Les syndicats, les partis politiques. Los sindicatos, los partidos. Et je pense effectivement, on a contrôlé toutes les informations. Pienso de verdad que se controlaron las informaciones. On a caché la vérité. Se escondió la verdad. Mais quand même un jour. Pero un día. Toutes les choses qui sont cachées. Todas las cosas escondidas. Devraient être sorties. Van a salir. C'est pourquoi nous allons organiser la conférence internationale à Port-au-Prince. Por eso vamos a organizar la conferencia continental e internacional en Puerto Príncipe el 1 de junio.